alien depuis que mes paroles sont acides. J'espère qu'il y a rien que l'acide d'avoir les paroles amères. J'suis peut-être tout seul ou alors on est peut-être des milliers. Ah, ton temps, le million sans bouger, t'es l'un pilier. On s'enferme dans nos addictions, le pilon et le jeu. Prions que le feu cesse avant de payer l'addition. On vise tellement la lune à se paumer sur la terre. On kiffe le bien et le mal, c'est d'art à scotcher sur la paire. Y'a pas de fatalité ou peut-être dans Mortal Kombat. Là, on a de la fraternité, peut-être jusqu'au Mortal Kombat. C'est pour des banalités que ça se marave à tout va. On sait que les personnalités changent quand t'es mal au plus bas. Nos vies, c'est as, un cul de loin, j'ai des paires de uns. Sans yeux à la trace, un dur destin, et ce qui a perdu, c'est mince. On en veut plus, on en donne moins. Et pour nous, c'est normal. Si on s'attache plus à son prochain, c'est qu'on a le cœur nomade. On nous passe à pommader, on n'a même pas trop de soleil. Avec nous, un cheval comme à ta, pour que ça sent un coup de sommeil. À vous qu'on pense vraiment au mal, au dernier coup de sonnette. Enlevez-nous ce voile opaque qui nous rend vraiment fou de l'oseille. On nous passe à pommader, on n'a même pas trop de soleil. Avec nous, un cheval comme à ta, pour que ça sent un coup de sommeil. À vous qu'on pense vraiment au mal, au dernier coup de sonnette. Enlevez-nous ce voile opaque qui nous rend vraiment fou de l'oseille. Comme d'hab, j'avance, la chance, connard, je l'attends. On m'attend en tournant comme la dame blanche. De toute façon, j'ai plus la foi depuis que les Schmitts auraient dos sang du Christ. On s'en sursit, tous une bite dans la tête, faudrait qu'on s'endurcisse. Des phrases sanglantes, j'suis pas semblant, les gars, j'm'en branle. J'suis pas du rap pour les pétasses en manche. Si j'pas la queue ouverte, c'est attends juste que la paix cicatrice. Faut que j'apprécie le batterie, pas l'insomniaque dans l'American Dream. Tu veux pâter mon crew, le tien, je trouve pas tellement cool. Tu parles de rime fraîche, mais dans ta bouche, avec du pâté en croûte. À corps et fier, la pro des vierges, je lui fourrai ma droite. Pas de joueur à prendre, j'emporterai tout dans le faux crématoire. Vider le coffre, quand y'a pas de thune, il faut que les cartes n'assautent. Depuis l'école, je vais faire du tuning sur des chars d'assaut. Par de cracher du sang, je veux voir tous mes gars pisser de l'or. Vulgaire masique, y'a pas de peace and love. On nous passe à pommader, on n'a même pas trop de soleil. Avec nous un cheval comme à ta, pour que ça sent un coup de sommeil. À vous qu'on pense vraiment au mal, au dernier coup de sonnette. Enlevez-nous ce voile opaque qui nous rend vraiment fou de l'oseille. On nous passe à pommader, on n'a même pas trop de soleil. Avec nous un cheval comme à ta, pour que ça sent un coup de sommeil. À vous qu'on pense vraiment au mal, au dernier coup de sonnette. Enlevez-nous ce voile opaque qui nous rend vraiment fou de l'oseille. Si ça me rapporte des lovés, je veux bien finir en pièces. Le coup de pas de chance, il a le dollar, j'y vais devenir obèse. Je vois des carottes se doser, des mecs parti au head, s'écoute le sang, je rends hommage, refrais au niveau de Biampès. Je me désinfecte de vos conneries avec un peu de vodka. Et c'est qu'à la maillot, mon gars, je veux voir un putain d'avocat. J'avoue que ça sent le roussi depuis qu'on va coussi coussa. Je suis irritable à la toutsi comme si tout mon souci poussa. Respif au bec, c'est ça l'odeur, mais tout ça l'obar. Je suis pas sorti de l'auberge, je suis pas mon deuil et je reste tout seul au bar. On étouffe à notre âge, et personne joue de la casse. La gueule dans les étoiles, 5h du mat, j'ai même flow, je suis barca. C'est le coup fatal. Plus je tourne et plus j'apprends brutalement. Je préfère des thunes à prendre plutôt que les putes à tranche. Et au sein de mon pas d'exemplaire, on aime connaître l'exemplaire. Sans ton exemplaire, je reste pas de gueule d'ange pour une connexe d'enfer. On nous passe à pommader, on n'a même pas trop de soleil. Avec nous un cheval comme à ta, pour que ça sent un coup de sommeil. À vous qu'on pense vraiment au mal, au dernier coup de sonnette. Enlevez-nous ce voile opaque qui nous rend vraiment fou de l'oseille. On nous passe à pommader, on n'a même pas trop de soleil. Avec nous un cheval comme à ta, pour que ça sent un coup de sommeil. À vous qu'on pense vraiment au mal, au dernier coup de sonnette. Enlevez-nous ce voile opaque qui nous rend vraiment fou de l'oseille.